Nique la mère à tous ces fils de pute qui vendraient père et mère. Je me suis coupé de tout, y'a plus un bâtard dans le périmètre. J'ai grandi dans la rue, là où ça parle de guerre et meurtre. Je connais que des cassos, mes potes sont pas vétérinaires. Ça fait des 4-4-2 pour te retourner le cerveau. Ça t'arrange des embrouilles pour te demander un service. Et quand je donne la force, moi, c'est pas pour faire beau. À dire que ça donne des noms pour éviter des perquises. Ça cherche des guitares parce qu'y'a plus de sécurité. Ça fait des complots, ça te cherche tout en noir dans l'obscurité. Tu me demandes qui a fait quoi, j'en ai aucune idée. C'est malheureux, maintenant ça te colle pour avoir des opportunités. Je suis dans ma galaxie, le soin ma pharmacie. Je peux plus rien faire tranquille, ça m'espionne comme des paparazzi. Je suis dans la réalité, y'a plus de moralité. Le truc, c'est que tu dois faire discret quand tu es une personnalité. Et me serre pas la pince, tu as fait des actions de folle. Quand je te vois, ça coince, j'ai les dents qui grincent. Et me parle pas de loyauté, toi tu me vois pas en humain, toi tu me vois en royauté. Donne pas ta confiance, c'est pire qu'un poison. Te jette pas à l'eau, ça va te pêcher comme un poisson. Toi te dis bonjour et ça te donne pour un liasson. Y'a plus de respect, dis-moi où elle va, la génération. On m'a fait des actions que je méritais pas. Ils parlent de ma ville, on lu sur Wikipédia. Je sais très bien ce que tu penses de moi, poto. Fais pas le mec qui parle en bien de l'OVNI dans les médias. Je suis des hypocrites, fais gaffe à que tu donnes la force. Quitter la rue, ça fait mal comme un divorce. Je peux te faire mal, mais je suis gentil comme un ours. Dans le cœur, c'est Marseille, dans les veines, c'est la Corse. Je connais le tchèque, t'es con ou quoi? Je sais que quand ça parle mal, t'es content, mais on va se voir, tu t'es cru ou toi? T'as cru que t'es mort ou quoi? T'as trop pris la confiance. À quoi qu'en face de Tchoupé, t'as des récompenses. Ami ou ennemi, moi je sais plus. Mais je suis obligé de te parler réel, même si c'est cru. T'es une dinde, mais tu fais le fou parce que t'as une sécu. Tu pourras faire ce que tu veux, frérot, entre nous c'est cuit. Je reste simple à la casa, je me prends pas pour un parrain. Toi tu respectes les papas du tchèque, tu respectes pas tes parents. Tu rends fou avec tes histoires, sache que je comprends rien. Faut tenir sa parole, frérot, quand on se porte carent. Sache qu'un acte, il vaut mieux que tu pardon. Je te crois plus avec tes excuses en carton. Tu nous fais le mec qui nous aime. Tu nous enfonces quand nous partons. Je mets les Salomon ou les Soconi. En ce moment tu me verras pas dans un gros bolide. Aujourd'hui je suis bien, ça y est j'ai reçu le colis. J'ai les ASIC, j'ai le Nimbus. J'allais prendre toi un bus, je l'en prends pour un boss. Trahir mon pote un boss, je surveille de la coste. Pas loin de la coste, rien que ça m'accoste. Dans la cage je me poste, tout la fond dans le poste. Je vis comme un ghost, tout la fond dans le poste. Je vis comme un ghost. Faut pas parler pour Titi, j'arrive nique tout en chouchou. J'fais confiance à Tico, maman et Chiquita. Tu parles de nous, tu nous aides, mais t'es qui toi? Ici tu peux croiser des petits sans casque avec une guitare.